s'apprivoiser, se retrouver. La vie est vraiment bien trop courte à combattre le temps qui s'écourte. On perd des moments quand on doute. Caché sous un porche pour s'aimer, se désirer, s'apprivoiser, se retrouver. La vie est vraiment bien trop courte à combattre le temps qui s'écoule. Quand on doute, pas toujours le printemps sur ta route. Pour s'aimer, se désirer, s'apprivoiser, se retrouver. Paquets de pierres le bord de la route, des paquets de terre qui forment des croûtes, des paquets amers, le dos qui se voûte, le cœur qui se serre, plus rien de tabou.